avance, elle recule, et sur la terre entière, depuis le fond des temps, mouvement incessant, plainte au rugissement. Quelle est donc cette danse? Quelle danse et danse tout au fond de ses anses et des cris que des ailes. La mer, l'autre jour déchaîné et l'écume aux lèvres m'a jeté sa colère, croyant me flageller de ses lames dressées. Aujourd'hui bien tranquille, se love sur mes pas, courtisane alanguie, j'ai glissé en ses bras. La mer, la mer, elle était douce et tendre, tout comme un sein de femme. J'ai songé à ces deux, aux attentions extrêmes qui m'auront tout donné. La première, la vie, l'autre veut la choyer. Serait-elle en ce lieu et pour moi réunie? La mer, pharaon des espaces et des immensités, qui croyait la connaître pour voguer hardiment sur ses vagues élancées. Sachez donc la combler, elle ne sait partager aux abîmes profonds, vous seriez allongés. La mer, la mer, durant les nuits bien claires, la lune divine l'a fait vite avancer. Tout le long des collines, jusqu'au pied des maisons, où le marin repose près d'une femme éveillée, qui entend sa rivale le lui fort réclamer. La mer, la mer, au matin retiré, a tracé le chemin au marin égaré, qu'elle attend au rivage pour de lointains voyages, en l'appel si pressant venu du fond des temps, unissant à jamais l'homme au bel océan. La mer, la mer, très souvent en furie et montrant bien sa force, est venue frapper fort la fragile jetée aux empereurs ruisselants. De frêles silhouettes sont venues l'implorer de leur rendre tous ceux qu'elle leur a enlevés. La mer, la mer, parfois fille aimable, en son linceul de grève, on découvre un gisant, les yeux remplis d'images de tous ces grands voyages, et figé à jamais un sourire éternel, le tout dernier baiser de la mère à l'amant. La mère, c'est l'enfant du pays, tout à coup revenu dans un très long cortège. Ils sont là tous venus pour bénir le gisant avant de l'emporter, pour bien le mettre en terre, tout doucement parmi les cris des goélands. La mer, la mer,